Un mariage dans le monde d'Octave Feuillet. Chapitre 1er. Madame de La Veyle, veuve du contre-amiral de Loris, avait épousé en seconde noce le général marquis de La Veyle. Heureuse à son gré dans ces deux unions successives, la marquise s'était fait un devoir, pieux et divertissant à la fois, de propager le goût d'une institution dont elle n'avait eu elle-même qu'à se louer. Elle s'occupait avec passion de marier les gens. Sa considération personnelle, ses grandes relations, ses succès remarqués dans quelques opérations difficiles, lui avaient conquis la confiance du public. Elle avait en outre, comme elle le disait elle-même, une bonne enseigne à sa porte, c'était sa belle-fille, Louise de Loris. Monsieur de Loris était officier de marine. Ses absences fréquentes et prolongées imposaient à sa jeune femme un rôle délicat dont elle s'acquittait avec un mérite qui faisait grand honneur au discernement de sa belle-mère. Madame de La Veyle recevait le jeudi soir. Ces jeudis étaient froids, quoiqu'on y fît de la musique. On y respirait un air de mystère. On y voyait passer des inconnus en cravate blanche qui souvent ne revenaient pas. Des jeunes filles éclataient subitement en sanglots sans qu'on sût pourquoi. Tout cela jette de la glace dans un salon. Ce soir-là, la marquise accomplissait une œuvre de pure charité. Il s'agissait d'un mariage d'une classe inférieure, dont elle n'attendait réellement qu'une satisfaction de conscience. Un cousin pauvre du général, qu'on nommait simplement Édouard dans la maison, devait être offert à la fille d'un professeur de Sainte-Barbe. Édouard était un jeune homme gauche, timide, et d'un physique médiocre qu'il n'était pas facile de produire avec éclat. Cependant, il était musicien. Il jouait passablement de la flûte. Madame de La Veyle avait décidé qu'il se présenterait sous ce caractère. « Mon Dieu, disait-elle, je sais bien que la flûte est un instrument qui ne parle pas beaucoup à l'imagination, mais c'est encore le côté brillant de ce pauvre Édouard. » Il était donc entendu qu'Édouard exécuterait dans la soirée un morceau de flûte avec le concours du général et de Madame de Loris. Le moment venu, Madame de Loris donna le la sur le piano et le général sur son violoncelle. Édouard, après avoir essayé de prendre l'accord, traversa soudain le salon d'un pas discret, s'agenouilla devant la cheminée, démonta sa flûte et en fit chauffer les fragments avec précaution. « Qu'est-ce que c'est ? » dit Madame de La Veyle pendant que la fille du professeur échangeait avec sa famille des regards soucieux. « Qu'est-ce que c'est donc, mon ami ? Quelle singulière occupation ! Pourquoi faites-vous chauffer votre flûte ? » ?»« C'est pour enhausser le diapason, ma cousine, » dit Édouard. « Comment, vous croyez ? Quelle drôle de chose ! Cela me paraît bien bizarre, bien invraisemblable, mon ami. Enfin, tout est possible. » Édouard, intimidé par le silence contraint du public, se releva un peu à la hâte et prit de nouveau l'accord que le général et Madame de Loris lui donnaient avec une bienveillance infatigable. Son oreille n'étant pas encore satisfaite, il alla reprendre son humble posture devant la cheminée y exposa une seconde fois les fragments de sa flûte à la chaleur du foyer. Cette malheureuse récidive fit naître dans l'assistance un sourd murmure où la réprobation se mêlait à l'hilarité. La fille du professeur, plus rouge qu'une tomate, attacha sur sa mère un œil suppliant. « Mon cher Édouard, dit alors la marquise, en voilà assez. Nous ne pouvons passer la soirée à vous voir chauffer votre flûte, c'est impossible, vous devez le comprendre. Il vaut mieux renoncer. Ce sera pour une autre fois, mon ami, pour une autre fois. » Après ce pénible incident, la conversation ne pouvait être que languissante. La famille du professeur ne tarda pas à prendre congé. Le pauvre Édouard replaça mélancoliquement sa flûte dans son étui de maroquin, essuya son front défait et disparut. « Belle séance, » dit le général en sortant lui-même presque aussitôt pour gagner sa chambre. Un seul personnage restait alors dans le salon en compagnie de Madame de La Veyle et de sa belle-fille. C'était un jeune homme d'une trentaine d'années, bien fait, élégant et de haute mine. Les péripéties de la soirée paraissaient lui avoir complètement échappé. Son visage froid et fier n'avait accordé aucun signe d'intérêt ou même d'attention au drame subalterne que nous venons d'esquisser. Il ne vit partir ni Édouard ni la famille du professeur. Se souleva seulement un peu sur sa chaise quand le général sortit, puis se remit tranquillement à crayonner des têtes de Turcs sur un album. « Monsieur de Rias, lui dit tout à coup Madame de Loris, et mes vers, à propos, quand ?»« À l'instant même, madame, si vous voulez. »« Oh, un impromptu alors, bravo !» Et elle poussa devant lui l'album réservé au poète, et le jeune homme, après 2 minutes de réflexion, y écrivit fort couramment quelques lignes. Puis il présenta l'album à Madame de Loris en la saluant de la tête. « Qu'est-ce qu'il vous dit, ce monsieur ?» demanda Madame de la Veille, s'arrachant à ses sombres méditations. « Voilà, maman, dit la jeune femme. » Et elle lut avec gravité. « La demoiselle que ce soir ma marraine avait invitée n'a pris aucun plaisir à voir Édouard ou la flûte enchantée. « Oh, mauvais garçon !» dit la marquise. « Au lieu de me retourner cette flûte comme un poignard, vous feriez mieux de m'expliquer votre conduite qui, décidément, n'est pas naturelle. « Comment, chère madame ?»« Mon Dieu, mon cher Lionel, je ne m'abuse pas sur mes jeudis. Je sais qu'ils ne peuvent pas avoir grand attrait pour vous. Quand vous êtes 2 ans sans vous souvenir qu'ils existent, je trouve cela tout simple. Mais depuis quelque temps, vous n'en manquez pas un. Et je vous avoue que cela me paraît moins simple. Voyons, franchement, mon ami, quel est votre objet? Pour qui ou pourquoi montrez-vous cette assiduité? Venez-vous pour séduire ma belle-fille ici présente ou pour que je vous marie? Mais d'abord, ai-je le choix? Dit Lionel. Dois-je sortir, maman? S'écria gaiement Madame de Loris, en développant son coup de cygne et en montrant sa jolie tête par-dessus son métier à tapisserie. « Madame et chère marraine, dit Monsieur de Rias, retenez, Madame de Loris, je vous en prie. Puisque vous allez, suivant toute apparence, me prêcher le mariage, ne vous privez pas d'un si puissant argument. « Vrai, vous y pensez donc, mon ami, dit la marquise, dont les yeux rayonnèrent. « Eh bien, vous me charmez. Positivement, vous me charmez. » Voilà une compensation délicieuse au désagrément de cette soirée. Je n'ai pas besoin de vous dire, mon cher Lionel, avec quel zèle je me mettrai à votre disposition, par amitié pour vous d'abord, puis en souvenir de votre pauvre mère. Mais vraiment, mon ami, puisque nous avons à causer, si ma belle-fille vous gêne... Madame de Loris se leva à demi et étendit ses bras comme 2 ailes dans une attitude d'interrogation souriante et de soumission toute prête. « Non, non, je vous en conjure, » reprit Lionel. « La présence de Madame de Loris ne m'est pas seulement agréable, elle m'est utile. Elle me soutient dans cette épreuve. Elle me montre le mariage sous un jour. « Ah, permettez, mon ami !» dit la vieille marquise. « Il ne s'agit pas de faire la cour à Madame de Loris, sous le prétexte d'un mariage fictif. Vous ne me prendrez pas à ce jeu-là. Au surplus, restez toujours, ma fille, nous allons bien voir. » « C'est ça. » dit la jeune femme en se replaçant à son métier. Voyons, mon ami, reprit Madame de la Veille, est-ce sérieux? Êtes-vous décidé à faire une fin? Je n'ai pas grande fin à faire, dit modestement Monsieur de Rias, mais j'ai toujours une intention de me marier un jour, comme c'est l'usage dans ma famille. Or, j'ai 30 ans, et je trouve sage et décent de me présenter à l'hôtel pendant que je suis encore présentable. Voilà. J'ajoute, pour calmer Madame de Loris, qui me lance des regards terribles, que je puisse être attiré vers le mariage par des considérations d'une nature moins positive, que je ne suis pas étranger à certains sentiments honnêtes et tendres, bien que je n'aime pas en faire parade, que je puisse être hanté comme un autre par des images de douce intimité et de bonheur domestique, que l'idée d'apercevoir, en rentrant chez moi, une jeune tête gracieuse et fidèle, penchée sous une lampe, ou sur un métier à tapisserie, ne m'est nullement indifférente, et qu'enfin, je serais heureux de voir remplie d'une manière si digne et si charmante la place vide que ma mère a laissée dans ma maison. « Tout cela est parfait, dit la vieille dame. Je vous dirai même que vous m'attendrissez. Votre main, mon cher enfant. » Monsieur de Rias baisa respectueusement la main qu'elle lui tendait et reprit en riant. « Reste le chapitre des objections. » Quelles objections, mon ami? Au surplus, mon Dieu, ne me les dites pas, vos objections. Je les connais. Il y a des mariages qui tournent mal, n'est-ce pas? Il y a de mauvais ménages dans le monde. Il y en a même beaucoup, dit Lionel. Et ensuite, que voulez-vous y faire? Certainement, il y a des méchants, il y a des sots, il y a des maladroits. Eh bien, tant pis pour eux. Vous ne prétendez pas me faire croire, chère madame, qu'il dépende toujours d'un homme d'être heureux ou malheureux en ménage. Je vous demande bien pardon. Je prétends vous le faire croire, car c'est la vérité. Voyez donc les femmes des marins, mon ami. Pourquoi sont-elles toutes des modèles de bonne tenue et de bonne conduite? Saluez, ma fille. Parce que leurs maris ne sont pas là pour gâter la situation. Allons, ma chère marraine. Vous m'avouerez bien qu'il y a des femmes qui sont des monstres et que les maris, présents ou absents, n'y changent rien. Mais non, mon ami, il n'y a pas de monstres, ou du moins ils sont très rares, excessivement rares. C'est une manie qu'ont les hommes aujourd'hui de soutenir que toutes les femmes sont des monstres de naissance. C'est commode. On n'est plus responsable. Au reste, vous pouvez être certain que je ne vous donnerai pas un monstre, ça, j'en réponds. Louise, poursuivit-elle en s'adressant à sa belle-fille, sais-tu à qui je songe pour lui? La jeune femme leva vers le plafond ses grands yeux clairs et, les ramenant soudain sur sa belle-mère, Marie, dit-elle, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'on les voit ensemble, cela vous saisit. Il y a longtemps, au reste, que ce mariage-là est fait dans ma tête. Marie, dit M. de Rias, est un joli nom quand il est bien porté, mais permettez-moi une question. Mademoiselle Marie est-elle parisienne? Tout ce qu'il y a de plus parisien, dit Madame de Lorris. Cela suffit, je repousse formellement sa candidature. Parce que, dit la marquise, parce que je sais comment les jeunes filles sont élevées à Paris, et sans me faire de grandes illusions sur l'innocence des champs, je crois mettre une bonne chance de mon côté en prenant ma femme en province. Ah, mon ami, ne faites donc pas ça, s'écria la marquise. Pour Dieu, ne faites pas ça. Quelle idée! Prendre sa femme en province, comme on y prend ses domestiques. Savez-vous ce qui arrive aux domestiques qu'on fait venir de province? Paris les grise, la tête leur craque, et ils sont pires que d'autres. Vous aurez une femme gauche qui ne saura pas se mettre, qui aura des mains rouges, qui vous couvrira de honte, et qui ne vous en trompera pas moins, tout comme une autre. Non, voyez-vous, mon ami, en réalité, il y a des dangers partout. Encore faut-il choisir les moins ridicules. « Mais en vérité, chère madame, s'écria Lionel avec un éclat plaisant, je ne vous comprends pas. Je me figurais que vous alliez m'exciter, m'encourager, et tout ce que vous me dites est effrayant. Je vous assure, maman, dit madame de Lorris, en riant de tout son cœur, que vous n'êtes guère engageante. Que veux-tu que je lui dise, ma chère? Il voudrait, comme tous les hommes du reste, qu'on lui offrît sur un plat d'argent un mariage sans inconvénient, sans danger, sans mauvaise chance. Eh bien, je n'en tiens pas de ce genre-là, parce qu'il n'y en a pas. Règle générale, mon ami, je ne marie que des gens qui réunissent des éléments suffisants de convenance et de bonheur. Je connais par exemple une jeune fille bien née, bien douée, qui peut faire une femme admirable. Je connais d'autre part un jeune homme distingué, plein d'honneur, à peu près charmant. C'est vous, par parenthèse. Je les marie, voilà mon affaire, le reste, les regarde. Je te marie, Dieu te guérisse. D'ailleurs, écoutez, mon cher Lionel, au point où vous en êtes, vos réflexions, vos objections, vos raisonnements, tout cela ne sert à rien. Vous nous avez dit vos symptômes, ils sont décisifs. Vous êtes mûr, laissez-vous cueillir et ne vous débattez pas. Mais véritablement, dit Lionel d'un ton sérieux, je ne suis pas aussi décidé que vous me faites, et je désire y penser encore. Vous le pouvez, mon ami. Seulement, pendant que vous y penserez, mon oiseau rare peut s'envoler. « Ah, mais qu'il s'envole !» dit le jeune homme en saisissant son chapeau comme pour se retirer. Mais il ne se retira pas, et s'adossant à la cheminée, il soupira longuement et reprit avec une sorte de murmure mélancolique. « Me marier, soit, mais je ne demande pas à me marier demain matin. » La vieille marquise se tourna vers Madame de Lorris et lui dit avec une gravité comique. Vous assistez, ma fille, à une scène touchante, les dernières convulsions d'un célibataire. Lionel se mit à rire. Voyons, reprit-il, comment a-t-elle été élevée, votre jeune personne? Mon ami, dit la vieille marquise, elle a été élevée dans une tour, par les fées. Ça vous convient-il? Est-elle de vos amis, madame? Demanda le jeune homme à madame de Lorris. Oui, monsieur, je l'aime beaucoup. C'est quelque chose. Oh, mon Dieu! S'écria la marquise. « Voilà bien assez de mystères. Elle n'est pas seulement son amie, elle est sa cousine, et pour ne pas la nommer, c'est Mademoiselle Fitzgerald. Mademoiselle Fitzgerald ? Oui, qu'avez-vous à dire ? Que ce serait une alliance aussi honorable qu'avantageuse. Mais vous êtes sûr qu'il y a une demoiselle Fitzgerald ? Je crois bien avoir aperçu autrefois un enfant chez les Fitzgerald. Seulement, je pensais que c'était un garçon. Eh bien, c'est une fille. Mais où la voit-on ? On la voit partout où on se voit, mais il est vrai, depuis 2 ans seulement. Depuis que vous êtes en deuil, de sorte que vous pouvez en effet ne pas la connaître. Vous souvenez-vous, dit Madame de Lauris, de ma pauvre petite belle-sœur ? Madame de Québerne ? Certainement. Pauvre jeune femme, elle était charmante. Eh bien, Marie Fitzgerald est une personne dans ce genre-là. Je trouve même qu'elle lui ressemble physiquement, n'est-ce pas, maman ? Si on veut, dit la marquise. Mais enfin, elle est très bien. Au surplus, mon ami, vous en jugerez prochainement par vos yeux, car je me propose de faire pour vous une chose héroïque. Marie et sa mère sont en ce moment à leur campagne près de Melun. Ce pauvre Québerne, le frère de ma belle-fille, a un petit château dans leur voisinage. Il l'a mis à notre disposition en son absence. C'est un endroit que je n'aime pas, mais j'irai avec Louise m'y installer pour quelques jours. Vous viendrez nous y voir, et la présentation se fera tout naturellement. Est-ce convenu ? Je suis confus de votre bonté, dit Lionel. Mais je voudrais bien que cette démarche ne m'engageât pas d'une manière absolue. Mon Dieu, quel homme ! On ne vous épousera pas malgré vous, mon cher ami, soyez tranquille. D'ailleurs, vous-même, vous pouvez très bien ne pas plaire. Ça vous étonne, mais enfin, vous pouvez très bien ne pas plaire. Ainsi, personne n'est engagé. Voulez-vous sonner, mon ami ? Revenez demain dans la journée. Nous achèverons d'arrêter nos projets. Monsieur de Rias renouvela ses remerciements, fit ses révérences, et se retira, laissant Madame de la Veille et sa gracieuse belle-fille livrées à cette douce excitation qu'éprouvent les femmes jeunes ou vieilles quand elles sont mêlées, même indirectement, aux aventures où l'amour est appelé à jouer un rôle.